Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, voici Ça ira mieux demain, l'émission, avec aujourd'hui au programme un parloir piloté par Manon et sa voix cassée, comme dirait Nolwenn Leroy, une voix bien rauque comme on les aime. Et pourtant, elle va nous parler d'un docteur. Donc, elle aurait mieux fait d'aller consulter. En attendant. Mais t'as mangé quoi à midi? J'ai mangé. Ah, je sais pas, mais là il est. Je suis à donf. Par contre, on commence par une chanson. Et là, je vous demande votre attention, parce qu'elle aussi a eu des problèmes vocaux. C'est un peu une constance cette semaine. Elle revient avec un film qui va sortir au cinéma en mai. C'est le nouveau Céline Dion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Céline Ça, Dion. Ça, c'est une nouvelle chanter. Chanson? Oui, elle donc est elle réussit à chanter, hier. Elle reprend le chant. Oui, et tu vas voir que elle a un peu morflé, la pauvre Céline. Ah ouais? Non, enfin, c'est toujours. Mais si tu sais pas que c'est elle, tu l'entends comme ça à la radio, tu la reconnaîtrais pas forcément dès la première, dès les premières notes. Après, si c'est une reprise, peut-être qu'il faut du temps. Donc c'est tiré du film dont où elle joue son propre rôle, hein, dans une comédie romantique qui va sortir en mai. Ça s'appelle Love Again. C'est la chanson générique. C'est une très très belle balade qui rentre dans la tête quand vous l'écoutez pendant plusieurs fois. Ce que j'ai fait hier soir pour vous la présenter aujourd'hui même. Voici pour vous, rien que pour vous, le nouveau Céline Dion, Love Again. Rising tides, tears you cry, every night seem never end. But that's just life. The last goodbye, high and dry, that leaves you empty. You might think your world is ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. 'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving. Every move is a new emotion. And you don't have to find the answers, just keep trying. The sun will rise again, the storms subside again. This is not the end, and you will love again. Sadness fades, the wound is healing. And time goes by, eyes will dry, and you will find someone to heal with. You might think your world is ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. 'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving. Every move is a new emotion. And you don't have to find the answer, just keep trying. The sun will rise again, storms subside again. This is not the end, and you will love again. Again, love again. just keep moving. Every move is a new emotion. And you don't have to find the answer, just keep trying. The sun will rise again, the storm subside again. But this is now the end, and you in love, you in love, you in love again. Le retour de Céline Dion sur Fadjet avec fait... Love Again. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir belle chanson. Quand on sait par où elle est passée, le départ de son mari, voilà, ça n'a pas été simple pour elle après ses ennuis de santé. Ça fait plaisir de la retrouver. Merci. Voilà. Ça fut un bon moment. J'espère qu'elle va très vite entrer dans les classements mondiaux pour la retrouver dans le Hot 40 que vous retrouverez dans 45 minutes maintenant. En attendant... Après la voix de Céline Dion, voici la voix de Manon, ça rime, mais c'était juste pour la rime. Après, bonne chance à vous. Est-ce qu'on pourrait, c'est pas drôle. Est-ce qu'on pourrait l'appeler Tanita... c'était pas Tanita Kitaram? Ah, Tanita Tikaram. Oh ouais. Là là. C'était ah, une voix éraillée aussi. Oui, je vois pas du tout c'est qui. Ah bah c'est sûr. Ah bah t'étais pas née. Ah, c'était quoi la chanson de Tanita Tikaram? Il y avait le titre... Je sais même pas si la souris veut bien m'aider. Oh, Tanita Tikaram. C'est un souvenir. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Bah, il faudra qu'on a, hein, on pourra la mettre dans. Ah, j'ai un truc, Tanita Tikaram. Tikaram. Bah, il y a qu'un titre, hein, le grand titre de Tanita Tikaram. Bah, écoute. Bah, il y en a plein. Hein. Grand titre. Oui, non, mais c'est. C'était quoi le titre? Twist in My Sobriety. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu l'as là? Allez. Bah, écoute. On fait n'importe quoi. C'est... Voilà. Non, tu connais Manon. Oh, regarde, écoutez la voix. C'est Manon. Je le prends mal, hein. Hey, c'était un gros carton. Hein. Ah alors, oui, c'était un succès. Là, par contre, on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc là, j'ai cru qu'il allait encore me donner. C'était quelle année? Mais c'était dans les années 90 aussi, ça, je pense. Oh, encore avant. Ouais, voilà, on n'est plus dans Destination Série. D'accord. Je n'ai pas préparé, donc. Ah oui, c'est sûr, quand on prépare, c'est beaucoup mieux. À l'impro comme ça. Non, allez, on va chercher quand même, parce que on va laisser Manon s'exprimer. Et puis on regardera quelle année date de Tatiana et Kara, mais on la remettra. On essaiera de la rediffuser un jour, ou dans Destination Série, ou chez moi. Bah, mais, la semaine prochaine, j'aurai le temps, je suis tout seul. D'accord. Bon, bah, tu la repasseras, je t'écouterai. Et donc, voici donc Docteur Dougie. Vas-y, Manon. Ça ira mieux demain. L'émission. La série à l'honneur cette semaine est Docteur Dougie, une série que vous pouvez retrouver sur Disney+. La première saison est sortie le 8 septembre 2021, la deuxième saison est sortie très récemment, le 31 mars 2023. Il y a 10 épisodes par saison, chacun dure 30 minutes, c'est assez rapide, mais c'est ça qu'en fait son charme. L'actrice principale est Peyton Elizabeth Lee, qu'on a aussi pu retrouver dans Société Secrète, un très bon film que j'ai aussi pu regarder. Cette série, c'est un remake de la série Dougie Hauser, diffusée de 1989 à 1993. Dans celle-ci, on rencontre Douglas, appelé Dougie Hauser, un adolescent surdoué, diplômé de médecine à l'âge de 14 ans. Thank you. Sur Disney+, on retrouve Layla Kameloa, appelée donc Dougie. Elle jongle entre sa carrière de médecin prodige et les aléas de la vie d'adolescente. À l'hôpital, diplômée de médecine à 16 ans, le talent de Layla n'en finit pas d'émerveiller ses patients et ses collègues qui la surnomment Dougie, en hommage à la série des années 90, Docteur Dougie. En plus de ça, Layla doit équilibrer sa relation avec sa mère, qui est aussi sa patronne. Les parents de Layla s'inquiètent de la vitesse à laquelle grandit leur petite fille. Mais entourée de sa Oana, Oana qui signifie femme et amie, Layla fait de son mieux pour conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Quelqu'un, reculez! Empêchez-les d'approcher! Je suis là pour vous aider. J'ai peur qu'ils fassent un pneumothorax sous tension. Je vous emprunte votre pique à cheveux. Désolée! Vous l'avez sauvée? C'est qui cette surdouée? C'est ma fille. Elle est médecin. Le docteur Kamealoa a volé à son secours et lui a sauvé la vie. Le docteur Kamealoa est là, c'est elle qui va vous recoudre. Aloha, monsieur Lim. Attendez, vous vous moquez de moi? Vous croyez que j'ai envie de rire? Vous savez qui on dirait? Vous vous souvenez de Dougie Hauser, la série des années 90? Comme ce médecin surdoué dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Dougie. Oh, c'est drôle, j'avais jamais fait le lien. À ton avis, pourquoi on l'appelle tous Dougie? Être docteur à 16 ans, c'est un peu comme avoir un super pouvoir. Docteur, je peux vous parler en privé, s'il vous plaît? T'as une petite marque sur... maman, c'est dégueu. Tu veux pas manger quelque chose? Moi aussi, je t'aime, docteur. Je peux pas jouer mon rôle de chef avec Layla et mon rôle de mère en même temps. Mais elle fait que me repousser. Je me demandais si on pouvait prendre la voiture. Je ne peux pas te dire oui. Pourtant, il y a deux secondes, c'était ma chef. Que ce soit ici ou à l'hôpital, tu peux pas t'empêcher de contrôler ma vie. J'ai quand même tenu le cœur d'un homme dans ma main hier. Je bosse comme une dingue et j'ai rien en retour. T'as beau être docteur, je crois que t'as encore beaucoup à apprendre. Je crois qu'elle a juste besoin de pouvoir faire des erreurs comme tous les ados. Elle a juste besoin d'un peu de liberté. Demain soir, c'est mon tout premier rendez-vous galant avec Walter. Salut. Salut. Amusez-vous bien ce soir. J'ai embrassé Walter. This is my time. Mais moi, je suis médecin maintenant. Et c'est pas juste de devoir toujours subir autant de pression sans jamais pouvoir décompresser. Je crois avoir les épaules suffisamment solides pour plein de choses. Sache que tu es un médecin extraordinaire. Tu dis ça parce que t'es ma mère? Non, je le dis parce que c'est la stricte vérité. La science confirme mon hypothèse. Je plais à Walter. La science. Hey, décampez d'ici. J'aimerais jouer à la console. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Dans un décor hawaïen, le surf est très mis en avant dans cette série. D'ailleurs, le futur petit ami de Dougie, appelé Walter, voudra devenir surfeur pro. Comme précisé avant, l'héroïne est très entourée, et notamment par sa meilleure amie, Steph. Ces deux-là sont inséparables et vivent tout ensemble. Une série d'aventures les attend, bien que Steph veuille sortir avec le petit frère de Layla, Kai. Bref, vous avez compris, entre amour, amitié et trahison, cette série va en ravir plus d'un. Some girls Bien que les avis divergent face à cette série, les critiques sont généralement favorables. On lit notamment, avec un casting gagnant et une excellente manière de chevet, Dougie Kamelua rend hommage à son prédécesseur tout en réussissant à tracer son propre chemin. Voilà ce qu'on pouvait dire du Dr Dougie et son superbe générique, je disais aux antennes à Laurent, qui se sont pas foulés, ils ont repris le même générique, ils l'ont remodernisé avec des petits instruments locaux, une série sympatoche, qui sent bon, Hawaï, comme on parlait d'NCIS Hawaï tout à l'heure, ou d'Hawaï 5.0, voilà, c'est dans la mouvance. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a des séries, ou comme il y avait Magnum, quand il y a une ambiance Hawaï qui retransparaît toujours bien dans la série. J'ai quand même oublié de dire un truc pendant que je parlais, c'est que j'ai été beaucoup déçue, parce que la deuxième saison, elle n'est pas en français, on ne peut que la retrouver en sous-titré, et c'est quand même dommage. Hein. Voilà, effectivement, c'est une remarque intéressante. La deuxième... Donc elle est sur la plateforme, elle est sur la plateforme. En anglais, en fait, on peut elle pas... Elle est en anglais, en sous-titré. Donc, Ah, peut-être que la VF va arriver à un moment donné. Sans doute. Donc j'espère. Ils ont voulu la mettre, effectivement, le plus tôt possible, certainement quasiment en simultané. Et donc, ils la proposent en version VF. C'est bien, ça permet aussi, de comme on le dit quelquefois, d'entendre les vraies voix des acteurs. Mmh. Et par contre, ils sont... Ouais, là, ils sont en phase avec leur voix française. Parce que quelquefois, on a des grosses surprises. Hein. Non, je trouve que pour le coup, ça va, là, oui. Un peu moins maintenant, mais dans les années 80-90, on a eu quelques chocs entre les voix américaines et les voix françaises qui étaient... Oui, alors... Voire quelquefois même, on préférait la voix française. Le problème dans les années 80, c'est que la 5 et M6 débarquent. Et d'un seul coup, on demande à produire des doublages en quatrième vitesse. Et il y a des acteurs qui étaient simplement balayeurs, des balayeurs qui deviennent acteurs de doublage. Et ça nous donne certaines surprises. Maintenant, les sociétés se sont développées face aux télévisions du câble, du satellite. Et maintenant, il y a les plateformes aussi qui sont de mandresse. Donc là, je pense que les sociétés de doublage se sont développées avec un bon catalogue de voix. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Docteur Dougie qu'on vous conseille, c'est sur Disney+. Tout de suite dans Ça ira mieux demain. Le palais, bienvenue au palais. Bienvenue au palais. Première info rapide avant de passer notre bande-annonce. Jusqu'ici, tout va bien. La belle surprise française de ce début avril. Je viens d'avoir une information qui vient de tomber. Eh bien, la série The Night Agent file tout droit vers le fabuleux score d'être la série la plus regardée sur Netflix. Elle vient de dépasser Ginny et Georgia, qui était deuxième. Elle n'a plus devant elle que Stranger Things. Et vu qu'on est à peine à quelques semaines d'exploitation, Stranger Things a du mouron à se faire. Alors, l'info devait être dans le 7 Actu, mais l'information Apple est passé devant. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réduit la voilure des infos pour essayer de pas trop déborder. C'est bien. Donc il faut faire un choix. Donc voilà, l'info, vous l'avez quand même dans Ça ira mieux demain. Voilà. L'actu aussi, c'est depuis la semaine dernière, la série qui est annoncée comme avoir battu aussi la première semaine, vous étiez plus nombreux et elle est passée devant quand on regardait un peu l'audienscope de Netflix, maintenant je reprends les termes, et ben, l'audienscope de Netflix, c'était Jusqu'ici tout va bien, qui était numéro 1 devant The Night Agent. Série française. Hein. Alors on se dit, quoi, comment, qui a battu notre série, franchement, il faut qu'on regarde ça. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde une série française qui arrive à battre une série quand même qui s'annonce être comme une série dont on va se souvenir de très nombreuses années, The Night Agent. Eh bien, nous avons commencé hier soir, Jusqu'ici tout va bien, et sincèrement, une agréable surprise. On aurait très bien pu binge-watcher la série en une soirée, s'il n'était pas déjà un peu tard et que nous avions tous les deux une journée de boulot derrière nous. Donc, je pense que nous continuerons ce week-end et nous l'aurons fini ce week-end. Jusqu'ici tout va bien. Eh bien, c'est l'histoire d'une journaliste de télé qui va, à un moment donné, une journaliste qui grandit dans une cité et qui rêve depuis toujours de présenter le JT. Et voilà, par un heureux concours de circonstances, elle va réussir effectivement à devenir présentatrice du JT, d'une télévision, une chaîne de télé, donc un couple. Elle est donc avec un homme et ensemble, ils vont se lancer dans cette présentation. L'homme est un peu... pas très agréable. Voilà, un peu caricatural, on va dire. Mais à côté de cela, c'est une histoire de famille, car autour de Farah, eh bien, il y a toute une famille, des frères, des sœurs, et malheureusement, le frère, va être un petit peu amené à faire, il est pas très dans le droit chemin, et c'est toute une histoire qui commence là-dessus, où la fameuse Farah qui atteint donc ce poste de présentatrice de journal va en parallèle mener une lutte face à un baron de la drogue, puisque son frère aura malencontreusement mis de la drogue dans sa voiture. Et pour sauver son frère, elle va donc brûler la voiture, pensant bien faire et l'aider. En brûlant la voiture, il n'y a plus de voiture, donc il n'y a plus de preuves. Sauf qu'elle a brûlé aussi la drogue, car la voiture était remplie de drogue. Vous imaginez le départ de cette série, et tous les soucis et les problèmes que la pauvre Farah va devoir subir entre sa présentation de journal et le sujet qu'elle va aussi devoir traiter à l'antenne, puisque bien sûr, la police est dans le coup. Alors donc la série s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Alors donc pour eux, ça ira pas mieux demain. Je pense pas que ça s'est mal barré. En tout cas, on vous propose la bande-annonce. Dès qu'il y en a un, Jusqu'ici tout va bien, qui a un problème, Jusqu'ici tout va bien, c'est tout le monde qui se soulève. Si j'en suis arrivée là, c'est que j'avais pas le choix. J'ai un plan pour récupérer ta carte. J'ai toujours rêvé de présenter le JT. Écoutez, on va pas se mentir, hein. Il nous manque votre quota diversité. On garde les boucles. Non. J'ai mis des années pour y arriver. Aujourd'hui, ma vie allait changer. Salim Zahiri, c'est ici? Il fait quoi dans la vie, votre frère? Il se débrouille. Il fait de la location de voiture. Il est dans l'import-export. Il est dans l'import-export de la location de la voiture. Je vais retrouver Salim. Il a percuté un policier de 37 ans. Je voulais pas te mêler à tout ça. Tu te fous de ma gueule? Je présente le JT et je vais te griller en 2-2. Faut qu'on bouge cette caisse. Si les keufs la trouvent ici, je suis cuite. Je m'en fous de votre frère. Ce que je veux, c'est son patron. En brûlant la caisse de Selim, on a brûlé la cam. T'as compris? On a une dette envers Oumar. Je vais devoir m'occuper de ta famille, toi. On va trouver une solution. C'est toi qui vas payer? Combien on lui doit? Pas grand-chose. Bah, 1,5 000 quand même. Jésus-Marie, je fais. Faut qu'on règle ça nous-mêmes. Ça veut dire quoi, régler? Ça veut dire quoi, nous-mêmes? Vous allez me cacher ça encore longtemps? C'est les conneries de mon frère, pas les miennes. T'as une obligation de transparence. L'individu serait, semble-t-il, en fuite. C'est toi, Camille Selim, et toute la famille dans la merde. C'est à toi de trouver une solution. On va pas la jouer en mode cagoule, flingue. On la joue smart. On est rentré dans un engrenage. Qui est au courant du plan? C'est ça, une famille, non? Ça va trop loin. Vous comprenez pas? Ce mec, même en prison, il ne lâchera pas. J'ai peur pour toi, Farah. Mon frère, il avait le choix. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, moi. C'est terminé, je suis mort. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Jusqu'ici, tout va bien. Et si vous voulez qu'on se fasse embarquer, continuez avec votre tête de constipé, là. Tu veux qu'on fasse quoi, qu'on twerk? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, hein, parce que ça va se gâter après, sans doute. Hein. Mais franchement, je vous le conseille. Alors, Nawel Madani, c'est elle hein, qui réalise, qui a fait le scénario de ce film, de cette série. Alors, elle est connue pour autre chose. Hein. C'est la première fois qu'elle touche à ce registre-là, puisque Nawel Madani, c'est une humoriste belge. Donc, elle est connue pour ses punchlines assez piquantes à la télévision. On la retrouve bien dans la série, hein, parce que je trouve que c'est bien écrit et c'est quand même assez drôle. Hein. Exactement. Donc, on retrouve toutes ces petites sketchs qu'elle a pu faire dans cette série. Il y a de la rapidité. C'est drôle, c'est percutant et vraiment c'est une vraie famille autour d'elle. Et alors on l'accuse, la pauvre, je trouve que elle a un peu plein de polémiques. Je sais pas si vous avez entendu un peu tout ce qu'on dit sur elle. Voilà, elle a mis une femme voilée, et on critique un petit peu la manière dont elle touche un peu à cet univers là. Mais moi je pense que franchement elle l'a fait comme il fallait le faire, sans se moquer de qui que ce soit, ni au niveau du culte, ni au niveau de l'organisation de la vie de cette communauté. C'est la famille qu'elle a voulu mettre sur la table et ces liens qui peuvent être très forts dans les liens d'une famille, que ce soit la mère, que ce soit les frères et sœurs. Et a fait avec beaucoup d'humour. Et c'est très difficile de faire une série avec de l'humour. Et je pense qu'elle a réussi son pari. Et je voulais donc notamment la soutenir. Nawel Madani, Jusqu'ici, tout va bien sur Netflix. 8 épisodes d'environ 30 minutes. Ça se regarde très très vite. Et on espère une suite. Je suis d'accord. On va s'arrêter là parce qu'on a débordé de nos 3 minutes. On finit avec un petit Rosaline en attendant. Ah, c'est toi qui choisis. Allez, hein. Rosaline. Il y a soit Rosaline ou alors Ellie. Allez, Rosaline, c'est le nouveau tube de Rosaline et on se retrouve la semaine prochaine pour Ça ira mieux demain l'émission. Et puis début mai, la semaine prochaine pour Destination Série avec Laurent tout seul malheureusement. Et moi, on se retrouve début mai pour Destination Série et Ça ira mieux demain l'émission. Le Haut de 40 dans 25 minutes. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances.